Bonjour amis du disco et bienvenue fans de funk. Aujourd'hui, en cette période de Saint-Valentin, j'ai décidé de vous concocter un programme sur l'amour. On a eu aussi quelques bons titres qui l'évoquent en disco, en funk, et je vais vous en faire découvrir quelques-uns. On va commencer tout de suite par un morceau instrumental qui a marqué de nombreuses générations, Love Theme de Love Unlimited. On ne pouvait pas faire plus amour. Le groupe est sous l'aile d'un célèbre chanteur qui incarne bien l'amour, Barry White. Le titre figure sur le deuxième album du groupe. Pour l'anecdote, le titre a failli ne jamais voir le jour. Deux employés du label 20e siècle, 20th Century, le trouvent par hasard sur une pile de disques destinée à la poubelle. Une pochette attire l'attention. Trois jolies jeunes femmes noires à la coiffure afro et souriante entourées de bleu. Ni une, ni deux, le vinyle est mis sur la platine et c'est le choc. Il y a là un tube en puissance mais qui nécessite divers arrangements. Suite à cela, le titre est présenté à divers DJ, ça fait beaucoup de divers, hein, discothèques, et vu l'ampleur du succès, eh ben, la compagnie elle se sent obligée de sortir le single. Il va s'en suivre des millions de disques vendus. Allez, je vous dis, place à l'amour. Love's theme. groupe plus connu, chanson un peu moins. Tel est le résumé de ce second morceau. Si je vous dis Cool on the Gang, vous pouvez me citer pas mal de titres, mais je doute fort que Love y figure. C'est extrait du 8e album studio du groupe qui sort en 1976, Open Sesame. Le titre n'est pas du tout sorti en single. Monstre de travail, le groupe sortira un autre album d'inédit la même année. Place à l'amour. Jet, le festival de toutes les musiques. S'il y a bien une artiste qui évoque l'amour avec sa voix, c'est Sade. Elle est reconnaissable entre mille. Quoi de mieux pour illustrer notre thème que Your Love is King. La douceur de sa voix et le rythme font en sorte qu'on a l'impression d'être tout en légèreté et de planer. Sortie en 1984, la chanson est classée parmi les 50 meilleures chansons d'amour selon le site américain Heavy. Place à l'amour. King, crown you in my heart. Your love is king. Retour en 1980 pour la suite. Stephanie Mills sort son plus grand succès, Never Know Love Like This Before, paru sur son quatrième album, Sweet Sensation. Elle va lui permettre d'obtenir deux Grammy Awards en 1981. La chanteuse a aussi fait les beaux jours de Broadway en y interprétant Dorothy du Magicien d'Oz de 1975 à 1979. Comment ne pas craquer quand elle vous chante qu'elle n'a jamais connu d'amour comme ça avant ? Place à l'amour. Since she came into my life. Le meilleur de la funk, c'est dans Party Funk sur Fat Jeff. La carrière d'un artiste peut quelquefois se limiter à un seul titre. Ainsi, en 1975, David Christie écrit I Love to Love. Il le propose quelques temps après à Tina Charles. La suite, c'est succès. Et ironie de l'histoire, le succès sera de nouveau au rendez-vous 10 ans plus tard, parce qu'en 1987, suite à une nouvelle version remixée de la chanson, elle va ressortir et refaire un numéro 1. On va écouter aussi à la suite A Specialized in Love de Sharon Brown, qui est aussi dans le thème. Place à l'amour. Écoutez Fat Jeff sur 94.2. On se dirige tout doucement à la fin de cette émission spéciale Saint-Valentin, bien sûr. Pour finir, je vais faire une entorse au genre musical. J'ai décidé de rendre hommage à un grand monsieur de la musique qui nous a quittés il y a 20 ans, George Harrison. Et quel titre que This Is Love pouvait illustrer le mieux notre émission. Je vous dis à très bientôt et place à l'amour. Bye bye. So good.